Assis-toi à la place du mort, je t'embarque de la course poursuite. Dis aux forces de l'ordre qu'il faudra plus que le Subaru pour nous suivre. Ouf de canette et un collage, je chie pas dessus. Je passe la licence pilotage quand tu te casses la tête en Matsup. Détends-toi, je vais les traîner dans les sentiers battus. J'sortirai mon doigt quand fumera leur sac à les voitures. Stress pas sur la coudoir, tu vas me le baiser. Attrape la poigne au-dessus de toi et le pétard si ça peut t'apaiser. J'ai mis au tap un vatanen, la tête par la fenêtre, je demande au condé. Hé, hey, elle avale ta bâtarde naine. T'aimes trop être collé à mon cul. Alors pendant qu'il bouffe ma merde, sa pute, tu sais qu'un interminable. Roulons, ce soir j'ai un plein entier pour la PAC. Bombardé, c'est mon boulot, mon petit quoi, t'en as déjà assez. Alors vomis tout dans le sac, ça pourra que nous alléger. Mais n'oublie pas de morceaux, mon zinc ou ta vie pourrait s'abréger. Ouais, non mais pas partout, enfoiré, je te crève. Ouais, je mets pas partout pour les propres là. La vitesse où on va, on est déjà mort, mon cerveau. Ouais, mais non, tu dis, on va chercher un bar, tout d'un liquide en dauphion là. Qu'est-ce qu'on fait ici, tu m'expliques quoi? Putain, tiens ta bière, ma couille, tu pourris mes sièges. Cherche pas de l'aide en regardant le ciel, rallume ton siège. Pied au plancher, à volaille, collier au pare-champ. Je me branlerai pas sur Kate Blanchette, isolé au cachon. Et les cages, on voit les cases, comme la psychiatra. Tes gars, qu'on me les écrase, flic, si tu m'attrapes. Détends-toi, sors de la ville en une 30 chrono. Pétasse entre postes, appelle ça une vilaine 30 chrono. Femme flic de la nation, retourne jouer au Tamagotchi. À moins que tu l'aimes pour la palpation, pour tâter mon gros chiffre. Mais soir, on est pas dans le même bolide. Sur ta matraque, tu peux t'asseoir, t'entendre jouir et le mal poli. Écoute le ronronnement de la bête, j'tombe un rapport, hey, t'as le pêche. Tiens le volant, le complet à rapport, comme moi on en fait plus. Ouais, j'me plaigne trop, regarde-moi les six enfants de pute galérer dans le fond du rétro. Tu joues là? Tu joues là? Mais à quel jeu on joue là, ma gueule? T'es un grand malade, t'as acheté des mains toi, hein? On joue là, le sang t'es mort, on joue. Je m'amuse pas là, ma gueule, moi. On est pas dans GTA, mon frère, là, t'as vu, t'as vu. Horreur, on est en plein dans mon moteur à la dalle. Souris, montre tes pétons, on brûle un radar. Moi, si j'avoine comme un âne pâté, c'est pour l'en mettre, fais pas la femme battue à bader. Chacun son boulot, mec, j'connais même des femmes. Garde ta place, se frotterait le clito. Tu fais l'homme, mais t'es juste le fion d'un BD qui tourne. On sait tous, le flic est un fils de pute. Écoute le brodois, donc normal que dans la poursuite, il kiffe manger du trottoir. Détends-toi. Souffle mon bras, t'es tout pâle. Quant à toi, Condé, rappe mon quoi, mais ne t'étouffe pas. On a quelques bornes encore à faire ensemble si t'es d'accord. Ce que j'aimerais toujours chez toi, c'est la profondeur de ta gorge. Je laisse de la gomme dans le virage du Darty. Chaque frein à main est un dédicace à Rachida Dati. Pas la tremblote, desserre les fesses, apprécie la balade. Je vais les semer même si pour toi ma solution n'est pas valable. Fais confiance, fais-moi confiance. Solution? Ouais, ouais, fais-moi confiance. Solution? Mais ouais! Tu vois une solution là-dedans, toi? Ah, tu me parles de balade? Mais quelle balade? C'est bon, un psychopathe! Calme-toi! Moi, je peux descendre maintenant, mec! Mais non, pas va où? Moi, j'ai une famille, moi, laisse-moi là maintenant, mec! Mais pas la roue, on est à 180 sur les allées, petit loupard! Dans la caisse, tu restes à mauvaise haleine! Empêche de calculer la route, alors ferme ta bouche! Les côtés dans nos routes, t'es juste bon qu'à faire dans ta couche! Détends-toi, je vive comme un pilote manouche! Même à 3 grammes, on faufile pour pilonner l'arnouche! Pourtant, lâche pas ta ceinture! C'est l'assurance! Être le seul de nous deux vivants dans l'ambulance, c'est rassurant. Au taquet sous le pont, c'est des flammes qui sortent du pot. Moi je fume n'importe quel poulet dans son joli jouet du flot. Être gros n'est pas bien dans mes sièges baquets. À faire la misère au port, tu regrettes de t'être embarqué. Mais une chiale pas ta daronne, les mettre à l'amende à ma parole. J'ai son talent qui n'est pas à la mode. Je suis un vrai GPS, au bras droit là dessus. Les gens grattent, c'est la fin de la poursuite. Ouais, on a deux corps pour la mort là. Je m'occupe des familles, faites le nécessaire pour les morts. Et puis aussi les pompiers, on a trois véhicules en forme.